Dialogue avec un maître. Ce fut avec un plaisir d'enfant que, pendant une heure, Julien assembla des mots. Comme il sortait de sa chambre, il rencontra ses élèves et leur mère. Elle prit la lettre avec une simplicité et un courage dont le calme l'effraya. Mais jamais peut-être elle ne lui avait plu davantage. Depuis l'instant qu'il avait ouvert la lettre anonyme, l'existence de M. de Rênal avait été affreuse. « Il faut consulter ma femme, » se dit-il par habitude, en se levant du fauteuil où il était abîmé. Ce fut dans ces transports de colère, tantôt contre lui-même, tantôt contre tout ce qui l'entourait, qu'il passa une nuit affreuse. Mais par bonheur, il n'eut pas l'idée d'épier sa femme. « Je suis accoutumé à Louise, » se disait-il. « Elle sait toutes mes affaires. Je serai libre de me marier demain que je ne trouverai pas à la remplacer. » Alors il se complaisait dans l'idée que sa femme était innocente. Cette façon de voir ne le mettait pas dans la nécessité de montrer du caractère et l'arrangeait bien mieux. Si je ne tue pas ma femme et que je la chasse avec ignominie, elle a sa tante à Besançon qui lui donnera de la main à la main toute sa fortune. Ma femme ira vivre à Paris avec Julien. On le saura à Verrières et je serai encore pris pour dupe. Cet homme malheureux s'aperçut alors, à la pâleur de sa lampe, que le jour commençait à paraître. Il alla chercher un peu d'air frais au jardin. En ce moment, il était presque résolu à ne point faire d'éclat, par cette idée surtout qu'un éclat comblerait de joie ses bons amis de Verrières. La promenade au jardin le calma un peu. « Non, s'écria-t-il, je ne me priverai point de ma femme. Elle m'est trop utile. » Madame de Rênal revenait du village. Elle était allée entendre la messe dans l'église de Vergy. « Mon sort, se dit-elle, dépend de ce qu'il va penser en m'écoutant. Après ce quart d'heure fatal, peut-être ne trouverai-je plus l'occasion de lui parler. Lui décidera notre sort commun. Il en a le pouvoir. Mais ce sort est dans mon habileté, dans l'art de diriger les idées de ce fantasque que sa colère rend aveugle et empêche de voir la moitié des choses. Grand Dieu, il me faut du talent, du sang-froid. Où les prendre ? » Elle lui remit une lettre décachetée, mais repliée. Lui, sans l'ouvrir, regardait sa femme avec des yeux fous. « Voici une abomination. J'exige une chose de vous, c'est que vous renvoyiez à ses parents et sans délai ce monsieur Julien. » Madame de Rênal se hâta de dire ce mot, peut-être un peu avant le moment pour se débarrasser de l'affreuse perspective d'avoir à le dire. Elle fut saisie de joie en voyant celle qu'elle causait à son mari. À la fixité du regard qu'il attachait sur elle, elle comprit que Julien avait deviné juste. Elle s'applaudit de sa démarche. « Je n'ai pas été indigne de Julien, » se dit-elle, avec une douce et intime volupté. Sans dire un mot, de peur de s'engager, M. de Rênal examinait la seconde lettre anonyme. Dévoré du besoin de s'en prendre à quelque chose, il chiffonna le papier de cette seconde lettre anonyme et se mit à se promener à grands pas. Il avait besoin de s'éloigner de sa femme. Quelques instants après, il revint auprès d'elle et plus tranquille. « Il s'agit de prendre un parti et de renvoyer Julien, » lui dit-elle aussitôt. « Ce n'est après tout que le fils d'un ouvrier. Vous le dédommagerez par quelques écus, et d'ailleurs il est savant et trouvera facilement à se placer, par exemple chez M. Valnaud ou chez le sous-préfet de Montgiron qui ont des enfants. » Aussi vous ne lui ferez point de tort. Ce petit paysan que nous avons comblé de prévenances et même de cadeaux peut être innocent, dit-elle enfin, mais n'en est pas moins l'occasion du premier affront que je reçois. Monsieur, quand j'ai lu ce papier abominable, je me suis promis que lui ou moi sortirions de votre maison. Ce jeune homme n'a point de tact, reprit Madame de Rênal. Il peut être savant, vous vous y connaissez, mais ce n'est au fond qu'un véritable paysan. « Je pense, mon ami, que je serai plus riche que vous, que je suis votre compagne depuis 12 ans, et qu'à tous ces titres, je dois avoir voix au chapitre, et surtout dans l'affaire d'aujourd'hui. Si vous me préférez, monsieur Julien, » ajouta-t-elle avec un dépit mal déguisé, « je suis prête à aller passer un hiver chez ma tante. » Ce mot fut dit avec bonheur. Il y avait une fermeté qui cherche à s'environner de politesse. Il décida monsieur de Rênal. Un peu avant la cloche du dîner, Julien rentra avec les enfants. Au dessert, quand les domestiques se furent retirés, Madame de Rênal lui dit fort sèchement « Vous m'avez témoigné le désir d'aller passer une quinzaine de jours à Verrières. Monsieur de Rênal veut bien vous accorder un congé. Vous pouvez partir quand bon vous semblera. Mais pour que les enfants ne perdent pas leur temps, chaque jour on vous enverra leur thème, que vous corrigerez. » « Certainement, ajouta Monsieur de Rênal d'un ton fort aigre, je ne vous accorderai pas plus d'une semaine. » Julien trouva sur sa physionomie l'inquiétude d'un homme profondément tourmenté. « Il ne s'est pas encore arrêté à un parti, » dit-il à son ami pendant un instant de solitude qu'ils eurent au salon. Madame de Rênal lui conta rapidement tout ce qu'elle avait fait depuis le matin. « À cette nuit les détails, » ajouta-t-elle en riant.